sapins agriffés au gouffre, ni désert aux branches brisées, alliés brûlés, fleurs sans rosée. Vous savez bien comme l'on souffre. Et lorsque sans blême pleure dans le bois solitaire des plaintes d'ombre et de mystère, la cueille en pleurant de même. Bonne forêt, promesse ouverte de l'exil que la vie implore. Je viens d'un pas alerte encore dans ta profondeur encore verte, mais d'un fin bouleau de la sente une feuille un peu rousse frôle ma tête et tremble à mon épaule. J'approche en moi comme en elle, me fait l'aumône fraternelle.